Après Vacarme, c'est Histoire vivante présentée par Jean Leclerc. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Plus de 25 000 personnes ont trouvé la mort au Pérou dans des violences politiques. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Cette semaine, un président inattendu. La seule chose qui marche au Pérou, c'est Sentier Lumineux et l'armée. Ce qu'il faudrait, c'est une mobilisation mondiale. Et puis, malheureusement, on peut dire que la guerre du Golfe a occulté un peu cette épidémie gravissime de choléra qui a lieu en Amérique latine. D'un Sentier Lumineux à une démission obscure, le Pérou, un pays en péril. Fujimori, que l'on appelle au Pérou le petit chinois, a commencé sa campagne voilà seulement 6 semaines, avec 1% des intentions de vote. Le Péruvien, c'était comme le champagne, ça fait beaucoup de boules, mais après ça se calme. Bonjour, nouvelle journée consacrée au Pérou qui à partir des années 90 va tourner le dos ou espérer tourner le dos à son destin. Voilà maintenant des décades que le pays supporte des pouvoirs qui ont essayé les uns après les autres maintes recettes sans succès. Voilà des années que les problèmes restent les mêmes. On parle d'une réforme agraire depuis longtemps, on ne la voit toujours pas venir. On passe successivement d'un président qui prend les mesures les plus libérales à un autre qui joue la provocation avec le FMI. Mais rien ne semble avancer. Au contraire, le choléra qui est apparu depuis le continent asiatique et a envahi une partie de l'Amérique latine décime un nombre impressionnant de victimes. Mais voilà, à l'autre bout de la planète, au même moment, un autre événement magnétise toute l'actualité, les journalistes et la plupart des rédactions. C'est la guerre du Golfe et l'affrontement parfaitement médiatique d'un méchant moustachu contre le reste du monde civilisé. Alors évidemment, le Pérou, le lointain Pérou, intéresse peu l'Europe. Pourtant, une nouvelle partie intéressante est en train de se jouer. Nous allons l'évoquer aujourd'hui. C'est l'arrivée au pouvoir d'un homme venu de nulle part. Alberto Fujimori. Nous nous transportons en 1990. Chapitre 1. Tout là-bas, là-bas, à Cuba, à Lima. À Lima, on a beau trouver tous les prétextes pour faire la fête, l'exaspération gagne de plus en plus de terrain auprès des plus démunis. Les slogans conspuent les meurtres qui chaque jour plongent la ville dans une tension insupportable. C'est à un homme et un seul que ces slogans s'adressent, Abimael Guzmán. Abimael Guzmán et son sentier lumineux, ce groupe déviant du parti communiste qui, dans la plus pure ligne maoïste, entend bien accéder par tous les moyens au pouvoir, en est à sa troisième phase de son occupation du terrain, obéissant à l'idée de venir concentrer son action sur les villes après les avoir concentrées sur les montagnes. Guzmán et le sentier lumineux pratiquent désormais une politique de terreur multipliant les attentats. À Lima, où les caméras se baladent un peu partout, les gens expriment leur ressentiment. On parle de Guzmán comme du mal personnifié. C'est comme un animal de sabbat, un diable, un satan, un véritable antéchrist. En cette année 1990, où doivent se dérouler de nouvelles élections présidentielles, un homme est largement donné favori. Connu du monde entier, c'est l'écrivain Mario Vargas Llosa. Chapitre 2. Curriculum vite fait d'un homme plein de qualités. On choisit rarement sa naissance. Vargas Llosa, à l'évidence, se sera trompé d'une case en naissant auprès d'un père pour qui la passion naissante de son fils pour la littérature tient de l'obscénité. Pour mater le rejeton, le paternel envoie l'enfant comme interne dans une école militaire. Mais il en est de ces gens que les difficultés galvanisent. La sinistre expérience de l'école militaire donnera la trame du roman « Le temps d'un héros » qui ouvrira à Llosa les portes de la renommée internationale. Mais ce faisant, il se met également à dos un corps non négligeable au Pérou, l'armée. Dans le temps où Llosa deviendra un auteur de best-seller, le voilà désavoué publiquement par le régime. 40 ans plus tard, internationalement estimé, le voilà qui monte au créneau politique avec un programme économique étudié et sérieux qui peut redonner ses chances au Pérou de se rétablir sur la scène internationale après le fâcheux épisode de la rupture avec le FMI. Dès le premier tour, Vargas Llosa devance tous ses adversaires. Mais un petit homme jaune, surnommé rapidement le Petit Chinois, vient semer le trouble dans l'opinion. Manipulant le secret et les médias comme personne, le voici qui émerge alors qu'hier encore, il était inconnu. Alors quel est votre programme ? Comme je vais le dire en japonais. Il n'y a pas de problème. Pourquoi les Péruviens vous feraient-ils confiance ? C'est un secret. Chapitre 3. Cuba à Cuba. Un secret, mais lequel ? Il est impossible de le percer. Ce qui est sûr, c'est qu'Alberto Fujimori, venu de nulle part, donc propre, est non corrompu. Voilà pourquoi les gens s'agglutinent autour de cet homme incarnant la magie d'un espoir, fut-il irrationnel. Oui, j'ai voté Fujimori car il était neutre, c'était un inconnu, il n'appartenait à aucun parti traditionnel. C'est pour ça que j'ai voté. Avec une confiance qui ne cesse de monter auprès des couches populaires, Fujimori peut s'étaler dans une campagne des plus démagogiques et populistes. Il est systématiquement acclamé. Et il ne ménage pas les coups bas pour son adversaire. En fait, il ne me connaît pas. Et pourquoi ? C'est très simple. Il a toujours vécu à Paris et à Rome. Nous voulons un Péruvien, pas un étranger. Après un second tour où Vargas Llosa est accusé d'inceste, d'athéisme et de vouloir le licenciement d'un demi-million de fonctionnaires, Fujimori emporte les élections et la surprise dans le reste du monde est évidente. Surprise lors des élections présidentielles au Pérou. Le candidat indépendant d'origine japonaise, Fujimori, a obtenu un score de 28% et il peut prétendre dès à présent à la présidence lors du second tour. Fujimori, que l'on appelle au Pérou le Petit Chinois, a commencé sa campagne voilà seulement 6 semaines avec 1% des intentions de vote. Ce sont les électeurs pauvres et populaires qui se sont joints à lui dans un acte de rejet des candidats traditionnels. Fujimori, sans passé politique ni antécédent de corruption, ingénieur agronome, représente pour ses électeurs un possible président qui saura réaliser une vraie réforme agraire en implantant la technologie japonaise et sera capable d'attirer les investissements étrangers. Des perspectives qui motivent les Péruviens, dont 7 millions souffrent de faim et vivent au seuil de la pauvreté. D'autre part, l'écrivain Vargas Llosa, le favori de ces élections, n'a obtenu que 33% des suffrages, alors qu'il espérait devenir le président du Pérou dès le premier tour et avec la majorité absolue. Lors de sa première conférence de presse, il déclarait vouloir négocier le retrait de Fujimori afin de rester seul avec la victoire et la présidence. Mais le Petit Chinois lui a répondu qu'il avait la ferme intention d'aller au second tour et les sondages lui donnent la raison puisqu'il obtiendrait 48%. À Lima, Sylviane Bourgeteau pour la Radio Suisse Romande. Dans quelques instants, après le plaisir de la découverte, les inconvénients du concubinage. Retour dans quelques instants sur les premières années de pouvoir d'Alberto Fujimori. Del Pueblo del Barrio. Groupe de rock alternatif de la nouvelle génération péruvienne, aux arrangements rock mêlés d'instruments traditionnels des Andes. Ce titre, Escalera al Infierno, sorti en 1995. Il est inspiré du livre de Rick Jones, Escalier vers l'enfer, et parle de l'empire du mal qui a envahi ce monde sous forme de la violence, de la corruption, de la drogue. Bien savoir. Alberto Fujimori, arrivé de nulle part, a coiffé sur le poteau l'immense écrivain Mario Vargas Llosa, emportant les élections avec 51% de suffrage. Une victoire courte, il est vrai, mais stupéfiante de par l'évident déséquilibre qui semblait séparer les deux hommes, au moins sur le plan de la notoriété. Fujimori récupère une partie du programme de son opposant qui avait annoncé des mesures drastiques. Là, sans précaution, le peuple se retrouve de nouveau confronté à une économie qui dérape. Ça dérape aussi dans les rues, les pillages, les exactions se multiplient dans les villes et principalement bien sûr à Lima. Dans le même temps, des groupes de paramilitaires font leur apparition et entament des carnages, opérant pour des causes plutôt mal définies. Chapitre 4. Nettoyage de printemps. C'est dans ce contexte de désordre et de violence que le 5 avril 1992, le président Alberto Fujimori prend la parole solennellement à la télévision. Como presidente de la República, en tant que président de la République, he constatado directamente, j'ai constaté personnellement ces exactions y me sentido en la responsabilidad et je me suis senti dans l'obligation d'adopter une attitude d'exception para procurar acelerar pour accélérer le processus de la reconstruction nacionale. Por lo que he decidido tomar la siguiente. J'ai donc décidé de prendre les mesures suivantes. Primero, premièrement, dissolver temporalmente dissoudre provisoirement le Congrès de la République hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica et faire voter une nouvelle constitution la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Qui sera approuvée par un plébiscite national. Le soir même, les tanks entourent le Parlement. Des journalistes sur place tentent de faire leur direct, mais les militaires les en empêchent. Il est minuit 30. Suite à la décision du président, le Congrès est entouré de chars. Personne ne peut, à cette heure, prévoir les conséquences de cette décision. S'il vous plaît, mademoiselle, quittez les lieux. Le lendemain, à la radio romande, on fait le point sur les événements de la nuit. La dictature est de retour au Pérou. La nuit passée, le président Alberto Fujimori a déployé l'armée dans les rues de Lima et annoncé la dissolution immédiate du Parlement, une mesure non prévue par la Constitution. Le chef de l'État, qui a reçu l'appui total des militaires, réunit désormais entre ses mains tous les pouvoirs. La menace d'un tel coup de force était évidente depuis plusieurs mois. Les problèmes énormes que connaît le Pérou dans les domaines de l'économie et de la sécurité exigent une conduite particulièrement énergique des affaires. Or, le Parlement, largement corrompu et dominé par les querelles politiciennes, répondait de plus en plus mal à sa mission. Certains espéraient de lui un sursaut. Alberto Fujimori a préféré s'en débarrasser tout simplement. Reste à savoir combien de temps le président comptera être seul aux commandes et que coûtera sa volonté de détruire un ordre ancien jugé pourri et de construire sur ses décombres une nouvelle et véritable démocratie, pour reprendre ses propres termes. Quelles que soient les intentions d'Alberto Fujimori, ces événements suscitent une grande émotion dans toute l'Amérique latine. Après le coup de force manqué des militaires vénézuéliens, il rappelle une vérité que beaucoup ici avaient presque oubliée, les démocraties du sous-continent demeurent encore fragiles. Étienne Dubuis, Santiago, pour la Radio Suisse Romande. C'est parce qu'il a axé son opération sur l'idée de se débarrasser d'une classe politique résolument impopulaire puisque corrompue jusqu'à la moelle que Fujimori réussit ce que ses opposants vont bien vite appeler un coup d'État dans l'État. Une première en tout cas dans le pays qui va bien vite augurer d'une orientation du pouvoir à caractère de plus en plus concentré. Il n'empêche, Fujimori a les rênes en main et tout semble lui réussir. Les élections au Pérou, le président Fujimori a pratiquement gagné son pari. La coalition gouvernementale paraît en effet assurée de 43 des 80 sièges en jeu dans les élections à l'Assemblée constituante. Une victoire donc à en croire les premières estimations effectuées quelques instants après la clôture du scrutin. Un scrutin qui s'est déroulé sans incident mais sous étroite surveillance policière. Première réaction à Lima où l'on retrouve Jean-Pierre Boris. Le chef de l'État péruvien n'a pas attendu très longtemps pour profiter de l'avantage qui lui est donné. Au cours d'une conférence de presse en début de soirée ici à Lima, Alberto Fujimori a expliqué en détail que ce succès était la troisième étape de la nouvelle voie empruntée selon lui et grâce à lui par le Pérou depuis 2 ans et demi environ. Première étape, a-t-il expliqué, son élection à la présidence de la République. Seconde étape, la dissolution du Parlement en avril dernier. Et enfin aujourd'hui, l'élection d'un congrès réduite à 80 membres. Une assemblée où la majorité devra beaucoup au président Alberto Fujimori, ce qui n'était pas le cas, loin de là, avant le coup d'état civil du mois d'avril dernier. Le peuple péruvien a donc donné une base politique forte et stable au chef de l'État. Reste à savoir si cette base sera aussi prompte à moderniser et à moraliser le pays que le voudrait Alberto Fujimori. Jean-Pierre Boris, Lima, pour la Radio Suisse Romande. Fujimori s'est installé dans un pouvoir sans partage, dans une dictature qui ne dit pas son nom. Contrôlant tous les appareils de l'État ainsi que les médias principaux, il mène le pays à sa guise, mais dans le même temps, la violence, les épidémies de choléra, le trafic de drogue, rien ne semble s'arrêter. Chapitre 5. Départ immédiat. Un journaliste, Philippe Duigou, fait le voyage au Pérou et à son retour, dresse un constat de l'état du pays de la débrouille au micro de Rosanne Verlet. Ben, vous le dites vous-même, c'est effectivement le pays de la débrouille. On a un taux de chômage au Pérou qui avoisine à peu près les 60% et qui est donc propice à au commerce informel. Les rues du centre de Lima sont paralysées par ce commerce, donc cette contrebande. Les Limaniens se déplacent beaucoup, les Péruviens se déplacent beaucoup. On va même jusqu'au Chili pour acheter des marchandises que l'on revend après dans le Pérou pour retrouver un petit peu son capital. Dans ces conditions, on comprend bien que le trafic de la coca soit devenu la principale source de devises de ce pays endetté. Et comment évaluer l'importance de ce trafic ? Le Pérou est le premier producteur de coca du monde. Vient en deuxième position la Bolivie. Alors, la culture du coca se fait dans la zone du Huayada, dans la selva. Il est transformé au Pérou en pasta basica, en pâte basique, et ensuite il est acheminé par avionnette vers la Colombie, où là il est transformé et raffiné donc en cocaïne. Oui, le Machu Picchu n'est sans doute qu'une carte postale au regard des réalités quotidiennes auxquelles se trouvent confrontés les Péruviens. La mosaïque du pays et de ses populations est complexe. Pierre Anquerol, historien, est président de l'Alliance française en poste à Lima depuis 1987. Au micro de Philippe Duigou, il livre à présent quelques détails de cette complexité. La société péruvienne se détermine par une sorte de patchwork social. On a une société qui est composée de blancs, qui sont minoritaires, de cholo, serrano, qui sont des métis. On a aussi une population de noirs, on a une population de japonais, de chinois, ce qu'on appelle ici les chinitos, sans aucune différenciation. Historiquement, bien évidemment, la société péruvienne était une société indienne et il faut attendre le XVIe siècle pour qu'arrive la colonisation blanche, colonisation espagnole. Cet aspect des choses amène à une très grande différenciation dans la population péruvienne où il y a un mépris assez important entre le blanc et le cholo. Et depuis quelques années, on voit surgir un phénomène de reconquête de l'espace par les cholos, par l'intermédiaire du président de la République qui était élu en 90. Il est symptomatique, par exemple, sur le plan politique, qu'il y a 2 ans, l'élection présidentielle du président Alberto Fujimori, président d'origine japonaise, Nikkei, c'est-à-dire de la seconde génération, ait été une espèce de revanche des cholos sur les blancs. Et je crois que le jour où j'ai vu retransmis à la télévision le meeting de Fujimori sur la place de Puno, où il y avait tous ces Indiens avec leurs chullos, le petit bonnet caractéristique avec ces grandes oreilles qui pendent et qui est en train de crier El Chino Presidente, le chinois président qui était japonais, je me suis dit que là quelque chose était en train de basculer. Et effectivement, les blancs de Lima n'ont pas compris. Mais voilà, Fujimori réussit un coup de force non négligeable. Abimael Guzman est arrêté. Cette opération est relayée par un coup médiatique à la retombée internationale. On a fait tomber la tête du sentier lumineux. Fujimori fait figure de héros, même si à l'évidence, l'arrestation de Guzman ne doit que très peu à la sagacité d'Alberto Sherlock Fujimori, qui se trouvait en pleine partie de pêche au bord de l'Amazonie quand l'ennemi public numéro un péruvien s'est fait arrêter. Il n'empêche, par sa formidable capacité à retourner les événements à son avantage, Fujimori récupère à son profit l'arrestation de Guzman. El barrio, los hombres estaban tristes. No había una jevita bonita que bailara bien la rumba. De pronto se escuchó un rayo que a todo el mundo asustó. Desde lo que hay una negra que era rumbera mayor. Prochain scrutin pointe le bout de ses urnes. 1995. Une pluie de communiqués officiels et de dépêches diplomatiques s'abat en provenance de Lima et de Quito. Une série d'incidents ont éclaté depuis plusieurs semaines opposant les armées du Pérou et de l'Équateur à propos d'une vieille rancune concernant des territoires limitrophes aux deux pays. Ce problème de frontières était jusqu'à présent régi par un protocole signé à Rio il y a un demi-siècle. Jusque-là, l'Équateur avait rejeté ce protocole, mais dernièrement s'y était rattaché. Alors pourquoi cette soudaine flambée de violence à laquelle le président Fujimori en personne se joint, déambulant en treillis, pataugeant dans la boue, haranguant ses troupes sous l'œil bien sûr des caméras des télévisions officielles? Eh bien, à la veille de nouvelles élections, nul doute qu'une victoire facile permettrait de faire diversion au regard de la montée des scandales qui encerclent de plus en plus le président Fujimori. Bien que l'opération Équateur n'ait pas donné tous les résultats espérés, le mois d'avril 1995 sourit cependant au président sortant. Un seul tour aura donc suffi à Alberto Fujimori pour s'imposer une seconde fois consécutive aux plus hautes fonctions de l'État. Celui qui avait terrassé à la surprise générale l'écrivain Mario Vargas Llosa en 90 vient d'épingler le non moins célèbre ex-secrétaire général des Nations Unies, Javier Pérez de Cuellar. On a pu penser un moment que la tentative de fraude électorale de ces derniers jours, encore mal élucidée, aurait pu avoir des conséquences fâcheuses pour le candidat sortant, du moins pour sa réélection dès le premier tour. On aurait également pu penser que l'absence de clarté sur le conflit avec l'Équateur et surtout sa position, voire son mensonge quant à la prise réelle de la base de Tiwinsa, lui serait préjudiciable. Enfin, ses démêlés conjugaux et les tentatives de déstabilisation de son épouse Susana, qui n'avait de cesse d'accuser sa belle famille de corruption. Mais en réalité, Fujimori n'avait pas de véritable opposant capable de l'inquiéter. Lima, Philippe Huigo pour la radio suisse romande. Et devant des médias stupéfaits, de nouveau, Alberto Fujimori sort le grand jeu en étalant sa culture, car le sieur parle français, s'il vous plaît. Satisfaction, parce que la politique que nous avons appliquée pendant les 5 dernières années peut être continuée. La continuité du politique gouvernementale, c'est très important. Et vous pensez que votre victoire a été plus facile que celle de 90? C'était à peu près la même chose, seulement que la différence, c'était que dans cette campagne, les faits accomplis à parler. Demain, nous ferons un bond de 18 mois. Fin de l'année 1996, l'ambassade du Japon à Lima va subir une épreuve plus que délicate avec une immense prise d'otage réalisée par un autre groupe armé, le Tupac Amaru. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.